c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. C'est l'histoire d'une pianiste chanteuse, Marie Cuisemans-Vertoux, qui avait un grand rêve, prendre la mer avec son piano, embarquer son instrument de musique sur un voilier pour faire le tour des océans, voguer d'île en île, de port en port et à chaque escale, transformer le pont de son bateau en scène de spectacle, le temps d'un concert, en plein air. Un rêve un peu fou, de ce que quelques arguments raisonnables rendent vite irréalisable. Mais notre pianiste rêveuse ne s'est pas laissée décourager. Pour que son rêve voie le jour, elle a mobilisé toute une bande de copains, et en premier lieu son amie de toujours, la photographe Anne-Lise Lepelec. C'est ainsi qu'en 2015, le projet joliment baptisé Pianocéan a pu hisser les voiles de la goélette Lady Flo, avec à son bord Maric, la pianiste, et Anne-Lise, la photographe. Une première tournée en Méditerranée, deux autres en Bretagne, et cet été l'Irlande. Le rêve est devenu une véritable aventure, faite de belles rencontres, de moments suspendus, et de jolies galères aussi. Une aventure qu'Anne-Lise Lepelec et Marie Cuisemans-Vertoux racontent dans un livre intitulé « Pianocéan » aux éditions Glénat. Et cet après-midi, les deux amis accostent dans notre bivouac. À bord du voilier, on est deux. C'est une histoire d'amitié, c'est une grande histoire de vie. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans et on a parié qu'on allait réaliser nos rêves. Elle est photographe, elle est reporter, elle est poète, elle est navigatrice. Le prochain morceau a été écrit pour elle. Il s'appelle « The Weather, My Friend and I », la météo, mon ami et moi. Seven seasons a day, give the taste anyway. Changing the side of a mountain and turns the mood to rain. The weather, my friend, and I. It's a million miles wide. It's the open blue wide. It's green glittering water. Bonjour Marie Cuisemans-Vertoux et Anne-Lise Lepelec. Bonjour. Et bonjour. Soyez les bienvenus. Nous étions donc dans un petit port breton. Les caméras de France 3 Littoral ont saisi ce moment en 2017. Marie Cuisemans-Vertoux, vous étiez sur votre bateau, Lady Flo, à votre piano, devant un public avec des gens de tous âges. Vous vous souvenez de ce concert, de cet endroit, de ces gens qui étaient venus vous écouter? Je m'en souviens très bien puisque c'était l'escale de Belle-Île-en-Mer. Et c'était en 2016, on était attendus à Belle-Île par une association en fait qui avait fait un travail toute l'année pour auprès des enfants, auprès des écoles, pour nous faire venir et puis pour nous accueillir. Et ça n'a pas été une mince affaire que de rejoindre Belle-Île-en-Mer, puisque on a quitté le port de Sète au mois de mai. On était attendu pour la fête de la musique au mois de juin à Belle-Île. On avait prévu de passer par Gibraltar, faire toute la navigation. Et le jour du départ, eh bien le pont de la ville de Sète est resté bloqué. Ah oui. Résultat, on a dû démater le bateau, passer sous le pont et prendre le canal du Midi. Ouais. Ça a été une galère sans nom. Même si le canal du Midi est un très bel endroit. C'est un très bel endroit, mais c'est vrai que pour un voilier, on avait prévu de hisser les voiles et de faire le grand et tour. Oui. Et on s'attendait pas du tout à se retrouver sous la pluie à Castelnaudary. Mmh. Voilà. Et on a quand même réussi à rejoindre Belle-Île-en-Mer dans les temps. C'était une vraie victoire. Et l'accueil des insulaires, des Iliens là-bas nous a vraiment, vraiment... Eh bien, relancer dans Pianocéan après toutes ces galères. Ça résonne particulièrement un piano sur un voilier dans un port. Je pense que c'est pas tant l'acoustique, puisque des concerts acoustiques en extérieur, ça se fait. Je pense que le fait d'être vraiment dans un port, au milieu des éléments, avec bien la météo qui change, les nuages qui passent, le vent qui forcit, le vent qui faiblit, les éclaircies, etc. Quelque part, ça modifie notre perception de la musique. Ça change les humeurs, ça change notre façon d'écouter. On n'entend pas la même chose, même sur un même morceau. On n'entendra pas pareil si on a une jolie petite éclaircie qui vient nous chatouiller le visage ou si on commence à voir les nuages qui s'amoncellent à l'horizon. À quoi ressemble votre bateau, la Lady Flo ? C'est le plus beau bateau du monde. C'est vrai qu'il est, il a de l'allure. Hein, c'est vrai. Elle a beaucoup d'allure, je dis elle, puis à l'anglo-saxonne, hein, les bateaux sont féminins. Lady Flo ressemble à un bateau pirate. C'est une goélette noire, une goélette à mât égaux avec deux grands mâts en carbone. Et à chaque fois qu'on rentre dans un port, s'il y a un enfant dans le port, vous pouvez systématiquement entendre « Papa ou maman, il y a un bateau pirate qui vient de rentrer dans le port ». Alors Anne-Lise Le Pellec, vous accompagnez Marik depuis le début dans cette aventure. Votre histoire d'amitié à toutes les deux est très touchante. Vous vous êtes rencontrées en Irlande, c'est ça ? Vous aviez une vingtaine d'années l'une et l'autre et vous faisiez des concerts de rue ensemble ? Oui, alors on s'est rencontrés, moi je me rappelle très bien, elle avait tout juste 18 ans et moi j'avais 20 ans. Je venais rejoindre mon frère et elle jouait déjà de la musique dans les rues. Et on s'est rencontrés, je pense qu'en 24 heures, on était déjà grandement amis. Et au bout de 24 heures, elle m'a proposé de prendre mon accordéon et de venir jouer avec elle dans la rue. Voilà. C'est là qu'a commencé cette complicité, ce goût pour la musique, ce goût pour les tournées, comme ça, au coin des rues. Et puis, il y a cette idée d'emmener le piano sur un bateau et de faire la tournée à bord d'un voilier. Ça, c'est une idée que vous aviez en vous depuis longtemps, Marik. C'est une idée qui a germé petit à petit. Je saurais pas dire exactement depuis combien de temps je l'ai en moi, mais à cette période à peu près là dont parle Anne-Lise, on commençait déjà donc à voyager avec la musique, à se rendre compte que la musique était un vecteur de rencontre et un passeport pour le voyage vraiment privilégié. Et puis la proximité du milieu marin, le fait d'être dans un port, le fait de voir au large de la baie de Galway, les Galway Hookers, ces vieux gréements irlandais aux voiles noires qui naviguaient au loin, ça a commencé à faire germer cette idée. Et puis après, il y a eu deux lectures qui ont vraiment dessiné le rêve. La première, c'était Novecento Pianiste d'Alessandro Baricco. C'est la légende du pianiste de l'océan. Et quand j'ai lu ce petit bouquin, j'ai eu qu'une envie, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas qu'une légende. Et la deuxième lecture, c'est la lecture de Damien Autour du Monde, de Gérard Janichon. C'est l'histoire de deux amis qui, à une vingtaine d'années, construisent leur bateau et partent autour du monde. Ça, c'est une vraie histoire. Hein. C'est une histoire. Gérard Janichon l'a vraiment fait et vous vous êtes dit, il l'a fait, alors pourquoi pas moi ? Il l'a fait en son exactement, temps, hein, il y a quelques décennies. Ce livre a été une sorte de coup de pied au cul qui m'a dit... Bah vas-y là, en fait il faut y aller, il faut le faire, c'est parti. Alors, vous aviez tellement envie de le réaliser, ce rêve que vous avez tatoué dans votre cou, hein, sur votre nuque, un petit bateau, justement pour pas le perdre de vue, ce rêve. Oui, c'était une façon de me faire une promesse à moi-même. J'ai tatoué ce Galway Hooker, donc c'est les voiliers traditionnels irlandais. Au moment où j'ai décidé de réaliser ce rêve, en me disant, si dans 15 ans, 20 ans, on te demande pourquoi t'as un voilier tatoué dans le cou et que tu dis, oh, c'était un vieux rêve, mais je l'ai pas réalisé, bah, t'auras l'air bête. Donc voilà, c'était une façon de m'obliger à aller au bout. Et puis, vous le trouvez, ce bateau de vos rêves, Lady Flo, et il vous a tout de suite plu. Ça a été le vrai coup de foudre. Oui, c'est le seul bateau qu'elle a visité. Oui, absolument. J'ai visité aucun autre bateau. Quand j'ai vu Lady Flo, déjà je connaissais pas son nom. Je suis arrivée sur le port à sec de Lorient. J'ai reconnu le bateau immédiatement et j'ai vu marqué à l'arrière, là, sur l'arrière de Lady Flo, Lady Flo. Ouais. C'était déjà son nom, hein. C'était Lady déjà Flo. Son nom et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est elle. Il est fait pour ça. Alors, il appartenait à un vieux loup de mer, Michael Lebert, qui nous a quittés depuis, mais qui a eu le temps de vous passer le flambeau. Il vous a transmis son bateau avec beaucoup de bienveillance, la voix de Michael Lebert. Quand Marik a vu le nom Lady Flo, moi je n'étais pas là. Elle ne me l'a pas dit tout de suite que le nom du bateau c'était faisait partie de son enthousiasme pour ce navire, mais après, elle m'a très rapidement fait comprendre que, effectivement, flow, c'était la fluidité de la voix également, et que pour son projet, ça lui plaisait énormément le nom du bateau, quoi. Elle m'a demandé d'ailleurs l'autorisation de ne pas le débaptiser, que je lui ai accordé évidemment, puisque de toute manière, j'avais rien à dire. Elle achetait le bateau, elle faisait ce qu'elle voulait avec. Mais ça m'a bien plu qu'elle garde le nom du bateau, d'une part. Et puis, elle m'a demandé aussi l'autorisation d'utiliser le nom de Lady Flo comme nom d'acteur, enfin nom de pianiste et le nom de son projet. Michael Lebert, l'interview est extraite du film Lady Flo 0000 de Jen K et Laurie Sanker, qui ont consacré ce film à votre aventure. Alors, Michael Lebert, c'est une des rencontres qui ont rendu cette aventure possible, Maric. Oui. Alors, ça me fait rire parce que Michael, au début, il voulait pas du tout croire en cette histoire. Le premier coup de fil que je lui ai passé quand j'ai voulu acheter le bateau et que je lui ai expliqué qu'il fallait que je découpe le pont du voilier à la scie sauteuse pour faire rentrer un piano, ça a été non catégorique. Il m'a dit, mais c'est quoi cette idée? C'est n'importe quoi. Et puis finalement, il a décidé d'y croire et puis il m'a dit, bon, je veux bien y croire à ton histoire, là. Bah allez, vas-y, c'est parti. Il y a une vraie complicité de marin qui s'est établie entre vous et lui. Oui. Ça a été là. Voilà, on a fait la passation dans le port du Carnével. Il m'a laissé la barre de Lady Flo. Il m'a vu faire les premières manœuvres. Moi, j'avais l'impression d'être à la barre du Titanic. J'étais paniquée complète. J'ai aucun souvenir de ça. Et lui, il racontait toujours « Oh, vous l'auriez vu à la barre de Lady Flo. Elle faisait les manœuvres impeccables et tout. » Alors que moi, j'étais tétanisée. Puis il a même fait son Marseillais un peu. Hein, sous 25 nœuds de vent. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais, ouais. En tout cas, il a vu tout ça avec beaucoup de bienveillance. Vous avez acheté ce bateau qui n'avait pas navigué depuis 5 ans. Hein. Donc là, le rêve devient un projet concret. Il va falloir voir si on est à la hauteur du rêve qu'on a envie de réaliser. Vous appelez votre amie, Anne-Lise Le Pellec, à la rescousse. Vous avez tout de suite été partante, Anne-Lise? Oh oui, moi les idées comme ça, toujours. Elle vous appelle, elle vous passe un coup de fil, elle vous dit « ça y est, j'ai trouvé le bateau ». T'embarques ? Oh non, elle a dit, c'était plus drôle que ça, je pense. Elle a dit, j'ai fait une connerie, Lily. Je viens d'acheter un bateau. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le met où ? Il y avait cette espèce de montée, aussi, à un moment donné. Et puis, le coup de stress, ouais. Le coup de stress. Allô, mon ami. Voilà. SOS. SOS. Alors, des mois de travaux sur le bateau avec cette bande d'amis formidable. Et puis, en 2015, la première tournée en Méditerranée. Les deux années suivantes, ce sera en Bretagne. Vous avez écumé les ports des îles bretonnes. C'est pour la Bretagne que vous avez composé la chanson « Pluit-il », Maric? C'est une petite anticipation des problèmes météorologiques qui pourraient se poser pour la saison Bretagne, puisque là, la première saison, c'était en Méditerranée, donc on n'a pas trop souffert de la pluie. Et puis je me suis dit, en fait, là, les concerts en extérieur en Bretagne, va falloir vraiment toucher du bois. Et j'ai pris le contre-pied, en fait, en me disant, bah, je vais écrire une chanson d'amour à la pluie. Comme ça, peut-être que la pluie, ça lui plaira et elle nous laissera tranquille le temps des concerts. Alors, nous n'avons pas de bateau, mais nous avons un piano dans ce studio. Vous pourriez nous interpréter « Pluit-il ». Mariek Huysmans-Berthou s'installe au piano du temps d'un bivouac. Cordes, des amarres et des haussières, il pleut des danseurs, des perles, il pleut des ombres de rivières et toi tu ris battu par des trombes de tourbe à la sortie du pub où quand il pleut, tous les marins sont vieux, tous les pêcheurs ont les yeux gris et tous les chats sont des poissons de nuit, il pleut et ton regard noir est bleu, il pleut des manteaux pas étanches, il pleut des accolades franches, il pleut sans cesse. Sur tes sourires, pluit-il encore? Ou est-ce nous qui sommes trempés de bonheur? Puisse-t-il alors pleuvoir sur nous? pleut des seaux jaunes sur les têtes des filles amoureuses de flaques, d'algues et de rafales de vents vieux qui vous font courir à l'envers, qui font voler ta voix tant que je ne t'entends pas. Il tempête sur la tendresse des dératés qui courent à ne plus savoir qu'aimer, qui pêchent des soleils d'oursin frais et font cent fois le tour des mots pour les mouiller à tout jamais. Pluie-t-il encore, ou est-ce nous qui sommes trempés de bonheur? Puisse-t-il alors pleuvoir sur nous? Plus il pleut et plus t'es beau, et nos soleils chauffent d'autres cieux, et nos sommeils s'essorent auprès d'un vaste feu. Plus il grêle et plus t'es belle, et plus ça se voit dire qu'il y en a qui attendent que l'orage passe. Nous sommes de la trempe des heureux, de la tribu de ceux qui dansent, surtout s'il pleut, il se peut que l'on se perde, que l'on s'épanche, que l'on s'éperdument vôtre sur la grève, que le grain de sable que tu portes à ton cou de marée basse te fasse un doux bijou de presque rien, d'averse d'écume et puis d'embrun, et couronne de sel ses cheveux à faire danser des couteaux, ses joues à couler des pianos. Il pleut et mis à part le temps, cela ne fait rien. Rien que nous ne puissions dire, rien que nous ne puissions rire. Et la mer, comme ta main, se retire, puis revient. Il pleut sans même prévenir, il pleut sans mentir, il pleut de ses vinyles usés, il tombe des musiques trempées et des matinées qui s'étirent. Nous attendrons un beau soleil pour que personne ne nous réveille. Nous attendrons un beau rayon pour mettre le diamant au sillon et s'endormir. Merci Marieke Huysmans-Berthou. La chanson s'intitule « Pluie-t-il », extraite de l'album du même nom. Vous l'avez joué de nombreuses fois dans différents ports, dans diverses conditions météorologiques. Dans quelle mesure les lieux, les rencontres inspirent vos compositions ? Eh bien, je pense que j'ai toujours composé mes chansons sur la route, on the road, vraiment avec... C'est dans les moments les plus intenses du voyage qu'on se nourrit et puis ensuite on digère tout ça et ma manière à moi de raconter le voyage c'est à travers les chansons. Alors Anne-Lise Le Pellec, vous êtes photographe, vous accompagnez tout ça mais aussi avec une dimension artistique, parfois pour prendre des photos, des concerts, parfois pour votre propre production. Comment vous vous inspirez de ces voyages? Est-ce que vous vous nourrissez mutuellement de cette musique, des paysages également? Alors oui, du coup, mon travail sur Pianocéan, j'ai appris un peu la photo de reportage, du coup, sur Pianocéan, qui n'était pas trop mon travail photographique personnel, qui est un travail plus contemplatif et plus rêveur, où j'aime bien créer aussi des instants et des mises en scène. La Pianocéan m'a aussi, comme la météo, appris, c'est maintenant, c'est ici, c'est tout de suite. Ouais. Et puis on ne dit pas à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux refaire la même chose, la grue, elle peut revenir. Voilà, ouais. Il y a vraiment cette espèce de chose du c'est maintenant. Et c'est un grand apprentissage, je pense, dans la photographie, le fameux instant décisif. Et du coup, ben voilà, ce qui est génial, c'est que dans Pianocéan, j'ai la place de faire ces deux choses. J'ai la place de ce reportage et j'ai aussi la place, puisque je pense que j'ai vu 450 concerts de Pianocéan maintenant, depuis 3 ans. J'ai le temps des fois de décrocher du concert pour prendre plutôt le reflet du bateau dans l'eau et tout le monde se demande qu'est-ce que la photographe de Pianocéan fait à regarder dans l'eau au lieu de regarder en haut. Voilà. Chasseuse de reflets, parfois. Oui. Vous aimez vous raconter des histoires sur des éléments, des points de détail, et puis vous créez toute une histoire. Du coup, je vois vraiment, je me vois moins comme une photographe que comme une raconteuse d'histoires. Je crois que c'est la chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et chasseuse, oui, chasseuse de reflets, chasseuse d'aurores boréales, j'aime vraiment ce genre de choses oniriques. Alors tout cela est très poétique, hein. Votre projet n'est pas seulement artistique, il est aussi avec une dimension mécanique, technique, logistique. Bref, il y a pas mal de hic, hein. On s'en rend compte en lisant. Il y a pas mal de hic, ouais. En lisant votre livre Piano Océan paru chez Glénat, qui est une sorte de journal de bord. Donc on vous suit étape par étape. Et le début, particulièrement, la première tournée en Méditerranée, vous en avez bavé, Maric? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Vous le dites bien. Quand on est parti avec Anne-Lise, c'est qu'il fallait que le projet existe. À vrai dire, personne, à part nos amis proches qui nous ont épaulés, voulait vraiment croire à cette histoire. Et donc, on est parti un petit peu en disant, on va leur montrer qu'on peut le faire. Sauf que le bateau était à peine prêt, voire pas vraiment. Le piano venait d'être installé, rien n'était rodé. Et on est parti quand même pour faire exister le projet, pour montrer qu'on pouvait le faire. Et évidemment, tout ce qui devait péter a pété, ouais, tout ce qui devait casser a cassé. Et puis les éléments ne vous ont pas aidé non plus, hein, je crois. Vous arrivez à La Ciotat et puis là, 15 jours de tempête qui fait que vous êtes bloqué au port. Donc vous vous dites, pour une tournée, il va falloir qu'on prévoie large entre chaque concert. Oui, on a tiré énormément de leçons de cette première tournée. À la fois, le fait de se dire, organiser une tournée quand on se déplace à la voile, il va falloir prendre de la marge, beaucoup de marge. Et puis on a appris aussi à prendre le temps, plus de temps. Les premières escales de Piano Océan, on décidait de faire un concert et puis de naviguer 200 000 pour faire un autre concert, puis de naviguer 300 000 pour faire un autre concert. Et au final, on n'avait pas le temps de rencontrer les gens parce qu'on était soit en train de réparer quelque chose dans la cale moteur, ouais, soit en train de préparer la navigation suivante. Et quand vous dites on était en train de réparer quelque chose, c'est vraiment vous. C'est-à-dire que des fois, vous jouez du piano, vous avez encore du cambouis sous les ongles parce que 15 minutes avant d'enfiler votre robe de scène et de donner le concert, vous étiez encore dans la salle des machines à essayer de réparer la mécanique qui ne marche pas. Ah oui, on a passé notre temps à bricoler et puis à apprendre à bricoler. Hein. Moi, j'ai fait une formation de dieseliste moteur à l'issue de cette tournée pour gérer le moteur. Et puis sur le tard, après, avec Anne-Lise, on a appris l'électricité, l'accastillage, ouais, enfin tout ce qui se répare sur un bateau, tout ce qui casse et tout ce qui se répare. Ce projet, c'est une vraie galère, mais c'est notre galère, c'est ce que vous écrivez dans votre livre Piano Océan. Oui, tout à fait. Du coup, ça, c'est vraiment un moment particulier. On va dire que c'est un peu l'apogée du moment où on se demande vraiment quand même qu'est-ce qu'on est bien venu faire là, quand vraiment, à Porquerolles, le bateau a vraiment fini par nous montrer à quel point c'était fragile tout ça et à quel point c'était vraiment l'espoir qu'elle est, il fallait pas lâcher. Et je me rappelle vraiment de ce moment-là où on n'avait plus rien, on n'avait plus de frigo, on n'avait plus de cale moteur, les voiles ont lâché. On était juste très fatigués et il faisait très chaud. C'est compliqué ça, hein, Maric, parce que c'était votre rêve, hein, vous l'avez dit, vous l'êtes tatoué dans le cou pour ne pas l'oublier. Mm-hmm. Et au moment où on approche du rêve, on se demande s'il n'est pas en train de se transformer en cauchemar. Je me rappelle avoir dit ça à Jeanne et Laurie à ce moment-là, de dire le problème quand on tente de réaliser un rêve, c'est qu'on prend le risque aussi de foirer un rêve. Ouais. Et on s'est accroché. On s'est accroché. Je me rappelle de ce jour-là où moi je mettais des coups de pied dans le bateau. J'en pouvais plus. J'étais en larmes. On était cramés. Et Anne-Lise m'a dit, écoute, là, tu sors du bateau. Tu vas marcher un petit peu. Tu prends l'air. Mauro et moi, on va essayer de régler ces problèmes électriques. On s'est épaulés. On a aussi eu plein de coups de main de gens qui débarquaient comme ça de nulle part. On a appris que vous aviez eu un souci technique. Moi, j'ai mon beau-frère qui fait un peu d'électricité. J'ai ma sœur qui s'y connaît en ci, ça. Et en fait, c'est que grâce au coup de main qu'on a avancé. Et Anne-Lise Le Pellec, vous parlez de sentiments assez contradictoires, hein, entre la poésie et la panique. Il y a des très beaux mots que vous écrivez dans votre journal de bord. Je dirais que je suis entre l'urgence et l'ennui, entre l'envie et le désespoir, entre ce foutu sel et son parfois goût de miel, que je suis heureuse et qu'il m'arrive d'en pleurer, que je suis parfois triste et qu'il m'arrive d'en sourire. C'est fort ce que vous avez vécu. Oui, bien sûr. On va dire que la petite différence qui nous sépare avec Maric, c'est que Maric a la conscience des risques, mais c'est un petit poisson quand même dans l'âme. Elle a toujours nagé dans la mer. Elle m'a d'ailleurs entraînée souvent à venir avoir le courage avec elle. Mais moi, je suis très impressionnée par la mer et j'ai très peur de la noyade. Du coup, je suis bien moins à l'aise sur un bateau que Maric, et du coup, je suis une petite mousse un peu tremblante parfois, et que c'est entre la grâce et parfois c'est l'enfer un peu. Alors, malgré toutes ces galères, notamment en Corse, vous avez quand même trouvé le temps de trouver l'inspiration, de composer sur votre route, comme ici, sur les hauteurs de Bastia. À Bastia, j'avais pris un peu de hauteur dans la vieille ville, là, et puis je regardais Lady Flo depuis le haut de la vieille ville. Et il y a le clocher de Bastia, le clocher du Vieux-Port qui s'est mis à sonner, et je sais pas du tout ce qu'il avait en tête, le mec qui faisait ça, mais c'était pas du tout habituel comme son de cloche. Il y avait une petite mélodie, une ritournelle comme ça, alors c'est trop bizarre. Il faisait... En son de cloche, évidemment. Il faisait ça 4 fois lentement. Après, il accélérait sur la même mélodie. Et puis, il faisait ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Il faisait ça 4 fois. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Et après, le truc trop bizarre, c'est qu'il frappait les 4 cloches en même temps. Du coup, ça faisait. Et ça sonnait trop faux dans toute la ville. Ça faisait un. Comme ça. Et après, il recommençait. Du coup, moi, j'ai chantonné ça par-dessus. Extrait du film Lady Flo 0000 de Jeanquet et Laurie Sanker. Mariek Huysmans-Berthou, ce ne sont pas seulement les paroles des chansons que vous inspirent les lieux que vous traversez. Là, on le voit, c'est une mélodie, c'est presque un détail, c'est quelques cloches que peut-être peu de gens auraient relevées. Vous, ça vous inspire toute une mélodie. Oui, j'ai pas de technique de composition. Je me fais traverser par des choses que j'attends pas forcément. Et parfois ça va m'inspirer un texte, parfois ça va m'inspirer une mélodie, parfois un texte va rejoindre une mélodie. Ou des fois j'ai écrit quelque chose la veille et puis quelques jours plus tard justement j'entends 3 sons de cloche et hop. Là, c'était les 3 notes qui me manquaient pour ma chanson. Il y a des périodes où l'inspiration ne vient pas. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Je pense que une chose est sûre, c'est que dans les moments les plus denses, on a l'impression qu'on ne composera pas parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mmh. Enfin, je me rappelle justement de cette tournée Méditerranée où on était soit dans la canne moteur, soit en train d'essayer de se faire cuire 3 pâtes pour manger quelque chose, soit en train de reprendre le car. Et on n'avait pas de temps. Et on a écrit un livre quand même. Donc je sais pas où est-ce qu'on a trouvé ce temps, cette inspiration, ces moments de pause où on a eu le temps d'écrire des chansons, de créer des images, d'écrire un livre. Je sais pas quand est-ce qu'on a eu le temps de faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le temps se densifie, quand on rencontre de plus en plus de monde, que les étapes s'enchaînent, eh bien finalement on est nourri, mais d'une façon très très forte. Et tout ça, ça crée beaucoup. On poursuit notre voyage au fil de l'eau à bord de Lady Flo avec Maric Huysmans-Berthou et Anne-Lise Le Pellec, le temps d'un bivouac sur France Inter. Pardonnez-moi d'interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Daniel Fievé sur France Inter. Impala, c'était Borderline sur France Inter, le temps d'un bivouac. Bonjour, voilier Pien Océan, on arrive d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Très bien, je vous ai envisé, on sera sur le plan 2 pour vous accueillir. À tout de suite. Merci. Youhou! Eh ben, faut y arriver chez vous. On est arrivé. Salut. Bonjour, Ludovic. Maric, enchanté. Enchanté. Fini d'amarrer le bateau et puis hein, on vient faire la tournée des bises. Les invités du temps d'un bivouac, la pianiste Marie Kuismans-Bertou et la photographe Annelise Le Pellec racontent leur épopée musicale dans le livre Pianocéan aux éditions Glénat. Marie Kuismans-Bertou, à chaque fois que votre bateau Lady Flo s'amarre dans un port, comme on vient de l'entendre, c'est une nouvelle histoire qui commence. Les gens vous attendent ou vous découvrent. Vous restez combien de temps en général à chaque escale? On essaye de passer plusieurs jours dans chaque escale justement pour rencontrer les gens, pour vraiment prendre place dans le port, dans la vie du port, dans la vie du village, et puis laisser aussi le bouche à oreille se faire. On va faire un premier concert où il va y avoir 20-30 personnes, et puis le lendemain, chacun aura ramené ses amis, son frère, sa grand-mère, et ça crée quelque chose d'assez chouette à chaque escale. Alors, quelques souvenirs de rencontres qui vous ont marqué. Il y a, je crois, le village de Carreau, donc on est dans la commune de Martigues, petit village où vous rencontrez une bande d'anciens pêcheurs qui vous adoptent littéralement toutes les deux. Ah oui, ils nous ont récupérés, on était dans un état lamentable, on rentrait de Corse, on était crevés, désespérés. On arrive dans ce petit port que ni l'une ni l'autre ne connaissions et on se fait récupérer par cette bande de joyeux lurons qui nous ont chouchoutés, ils nous ont fait des moules à la plancha, ils nous ont appris à ramander les filets, il y avait un marché aux poissons magnifique et on a passé finalement une bonne semaine, hein, même plus. Grâce à un petit coup de mistral, on a allongé notre séjour. Oui. Et on a été adopté, ouais, par cette bande de... Alors, Annelise Le Pellec, le projet est un peu fou. Il suscite des réactions fortes, hein, à chaque fois, en tout cas, souvent. Il réveille chez les gens que vous croisez leurs propres rêves, en fait, leurs propres rêves enfouis. C'est un peu ce qu'on découvre en lisant votre journal de bord. Il y a des rencontres vraiment très émouvantes. Les gens ne vous parlent pas seulement de la pluie et du beau temps. Ils vous livrent leurs aspirations, leurs rêves les plus intimes. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'attendait ni l'une ni l'autre, de susciter autant d'intime en fait chez les gens et aussi une avidité très grande. On voit dans ce projet à quel point les gens sont en manque de poésie, à quel point une aventure comme ça, ben ça vient réveiller chez les gens des choses profondes, intimes, parfois complexes. Et du coup, oui, bien sûr, j'ai des souvenirs de rencontres voilà avec des gens qui finissent par pleurer, qui finissent par nous prendre dans leurs bras, qui finissent par nous raconter leur enfant qui est parti trop tôt, leur femme avec qui ils n'ont pas réalisé certains de leurs rêves et toutes ces choses là, c'est aussi quelque chose qui nous donne du courage, je crois, pour se dire qu'en fait on a besoin de poésie, on en a vraiment besoin. Vous racontez par exemple l'histoire de cet homme qui vient de perdre sa femme. Il a toujours rêvé de partir, de faire un grand voyage en bateau. Sa femme n'avait pas envie de le suivre dans cette aventure. Et avant de mourir, elle lui dit « Bon bah maintenant, tu vas pouvoir réaliser ce rêve ». Alors il se retrouve avec ce deuil et puis cette possibilité qui s'ouvre à lui. Et il vous raconte ça tout simplement parce que évidemment votre aventure fait écho avec ce rêve qui le taraude. Oui, bien sûr. Puis c'était très émouvant parce que c'était une discussion vraiment très simple. C'était pas des grandes phrases, on était juste assis et il a commencé à me raconter ça et il y avait vraiment dans ses yeux quelque chose. J'ai du mal à savoir si oui ou non il va ou il a réalisé ce rêve. Je pense que c'est dur en fait de réaliser un rêve à cause de quelque chose d'aussi douloureux. Mmh. Et surtout, voilà, il avait plus 20 ans, il en avait 70 et oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je m'en rappellerai toute ma vie. Marie Kuismans-Bertou, un autre homme vous a confié aussi la photo de sa femme, là aussi, qui était détaillée. Décidément, tous les veufs viennent se confier à vous, on ne va pas faire de généralité. Mais alors lui, il vous a confié la photo de sa femme, c'est aussi très poétique, en voulant en fait qu'elle fasse ce voyage avec vous. Oui, Marcel, sacré Marcel. 70 ans. Quelque chose comme ça, ouais, je vais pas dire de bêtises, mais oui, Marcel qui nous a confié la photo de Pierrette pour qu'on l'emmène avec nous en voyage. Ça, oui, ça fait partie des gens qui nous font faire des choses qui nous dépassent en fait. Je pense que Piano Océan, à un moment donné, de toute façon, est plus grand que nous. Nous, on est juste Annelise et Maric. On est deux petites nanas. On fait des conneries. On a des rêves. On essaye de les mener à bien. Une sacrée volonté quand même. Hein. Tout le monde n'a pas cette force de caractère. Voilà, beaucoup de gens auraient abandonné avant vous. Mais c'est vrai que Piano Océan nous dépasse à un moment donné et vient amener quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Et du coup, les gens vont déposer sur le bateau des présents comme ceci. Alors il y a l'histoire de Marcel et Pierrette. Mais Marcel, il s'est même fait tatouer, du coup. Ah oui, j'ai vu ça récemment. Il s'est fait tatouer le logo de Piano Océan, Lady Flo, sur l'avant-bras. C'était le premier de sa famille à se faire tatouer. Ouais. Ses enfants ont dit « Mais qu'est-ce que t'as fait, papa ?» Et vous déclenchez des trucs pas croyables sur votre chemin. On déclenche des trucs incroyables. On a aussi embarqué une Barbie sirène, hein, une Barbie rose, sirène. Qui nous suit depuis 5 ans maintenant. Dans le bateau d'une petite fille, voilà, Jade. Un peu à la Amélie Poulain, tu sais. Donc, on prend des photos de la Barbie. Alors, certes, on lui a offert un bain de soleil sur le bateau, mais on l'a aussi mis dans la cale à moteur. On l'a mis en train de dérouiller le moteur. Elle est au boulot, Barbie. Elle est au boulot, Barbie. C'est difficile de repartir après ce genre de rencontres et d'échanges. Quand on quitte, quand la mayonnaise a pris, quand la rencontre s'est faite, que vous avez vraiment noué des liens avec les locaux, c'est difficile de reprendre, de larguer les amarres. On est parti souvent le cœur très lourd. Ouais, il y a des fois où c'est le poids du voyage aussi, hein, le perpétuel, la découverte, la rencontre, et puis il faut continuer, il faut aller au prochain port et les laisser derrière nous aussi. Ouais. Des personnes. À un moment, vous citez un livre qu'un marin, justement, de Caro vous a offert, « L'oiseau qui vole ne peut regarder en arrière ». Mmh. C'est aussi ça, hein, le but du voyage, pour partir. Oui, cette phrase m'a beaucoup aidée à quitter Caro, parce que quand on a quitté le port de Caro, Lily et moi, on n'en menait vraiment pas large, je crois que tellement on avait les yeux embrumés, on ne voyait plus grand-chose. Et entre chaque étape, il y a ces temps de navigation, où vous vous retrouvez en huis clos, il y a qui à bord du bateau? Alors ça dépend des fois, du coup, on va pas, je vais pas pouvoir citer tous les gens parce que sinon on en oublierait, et ce serait tellement dommage. Mais on a des amis, puis il y a aussi le compagnon de Maric qui est aussi le troisième marin, grand marin à bord, Sébastien Flamin. Et du coup on a toute une batterie de gens qui sont venus au fur et à mesure relayer. Et un chat. Et bien sûr, et la mascotte du bateau, Seabird, le chat. Ouais. L'oiseau de mer, qui parfois fait des fugues au moment des escales, 14 jours parfois sans le voir, vous devez aller le récupérer. Bah, pire que ça, en fait, c'est un projet qui se déplace, hein, donc il nous a fallu une fois ou deux pouvoir assurer un concert et partir et le laisser derrière. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont dures, après on l'a jamais, on l'a toujours retrouvé et puis... Faut dire qu'à bord, il paraît qu'il est malade comme vous l'êtes parfois aussi, Annelise Le Pélec, sur ce bateau. Ça ne se dit absolument pas à la radio. On n'a pas le droit de dire qu'on est malade quand si, on est si, quand bien on est sûr, marin. Non, bien sûr. Ça rend humble le mal de mer, c'est bien. Mais oui, je pense que j'ai beaucoup d'affection pour ce chat aussi parce que nous partageons une certaine méfiance sur cet univers qui tangue en permanence. Tout à fait. Et puis après toutes ces rencontres, ces concentrés d'émotions, chaque fin d'été vient la fin de la tournée. Et Annelise, nous vous avons proposé de lire un extrait d'un texte que vous avez écrit dans votre journal de bord et donc qui transcrit dans Piano Océan, paru chez Glénat. Et au piano, c'est votre amie Maric qui vous accompagne. Paimpol. Retrouver la ville colorée et les concerts qui viennent rythmer notre escale. Déambuler dans les ruelles joliment pavées de cette ville très touristique qui parvient à garder son charme malgré la foule. Apprécier le marché qui sent bon le poisson frais, les bigorneaux recrachés pour quelques bêtises inventées. Qui sent bon le poulet cuit à la broche. Dévorer des yeux la palette colorée des derniers légumes d'été et apercevoir le raisin qui semble s'immiscer doucement dans les étals comme pour dire « L'automne est en chemin. Mais ne vous inquiétez pas, il a bon goût. Puis, reprendre la mer une toute dernière fois pour notre ultime escale de la saison, Binic. Cette dernière navigation a le goût de la brume de ce petit matin qui semble mimer nos yeux encore endormis. Elle nous offre la vision de la côte dont s'enchevêtrent les reliefs vaporeux, dont semblent émerger quelques arbres tortueux et dessiner, en silence, un hommage discret aux belles estampes des Japonais. Aux portes du joli port de Binic, alors que nous nous approchions de notre dernière manœuvre, la capitainerie nous conseille d'attendre que le courant fort qui accueille chaque ouverture d'écluse se fasse moins violent. Nous entamons alors un demi-tour et capons au large. C'est étrange, nous devenons alors tous les trois très silencieux, un peu émus par ce large que nous pensions pourtant avoir laissé derrière nous jusqu'à l'année prochaine. C'est la fin de la journée, le vent souffle régulièrement sous les derniers rayons de soleil et nous écoutons une musique qui nous hante tous depuis quelques jours, depuis que Marik s'est mise à la chanter en concert. Cette chanson est une vieille composition cajun qui se nomme « La terre tremblante ». Personne ne pipe mot. Nous sommes tous interdits sous l'émotion de l'accordéon qui semble tout à coup remplir l'espace et l'horizon. Des paroles qui racontent l'ailleurs et paraissent pourtant nous ramener tout en douceur à la terre qui nous attend. Reviens, c'est rien. Reviens à la terre tremblante. Merci Anne-Lise Le Pellec, c'est un extrait donc de votre livre Piano Océan aux éditions Glénat. Et le morceau au piano est extrait de l'album Water Music de Piano Océan. À la fin d'une tournée comme ça, on se sent comment ? On se sent vidé, on se sent plein de toutes ces rencontres. On a envie de silence absolu. Oui, dans quel état ? Vraiment, on est rincé. On est vraiment rincé, mais dans le bon sens du terme, on est rempli. On est tellement rempli que le silence, c'est une très belle musique aussi, et que toutes les deux, après ces tournées-là, on a besoin. Voilà, moi, à chaque fois, je pars dans les Cévennes et je pars dans la rivière, parce que l'eau salée, j'aime bien, mais l'eau douce, c'est bien aussi l'eau douce. Et oui, du silence, ouais, et des copains. Mais oui, toujours l'envie de repartir. L'aventure Piano Océan est loin d'être terminée. Vous allez nous raconter vos projets dans un instant. On peut réaliser son rêve et continuer à rêver. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Quel âge a le bateau ? Moi, je sais ! Au moins 1000 ans ? 1000 ans ? Est-ce que quelqu'un a une autre théorie que 1000 ans ? 3 ans. 3 ans. Alors, j'ai 1000 ans d'un côté, 3 ans de l'autre. Le bateau est né en 1982. Un nouvel extrait du reportage réalisé par France 3 Littoral en 2017. Le reportage est d'ailleurs visible sur le site du projet Piano Océan. Marik Huysmans-Berthoux, vous aimez ces échanges avec les enfants. Il y a cette envie de transmettre. C'est particulier cet échange avec la jeunesse lors de la tournée. Bah, c'est assez génial déjà de voir leurs yeux qui s'écarquillent quand le bateau pirate rentre dans le port, quand de ce bateau pirate sort un piano. Et ce qui est chouette, c'est de pouvoir leur dire « Vous avez le droit d'inventer n'importe quoi et de le faire. Tous les chemins ne sont pas tracés » et leur laisser essayer de leur ouvrir les portes les plus grandes possibles. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, les enfants, avec vous, parce que vous racontez, là encore, dans le livre, qu'à un moment, le piano sort à moitié, mais juste assez, parce que donc il est dans sa chambre arrière, sous le château du bateau, et puis il sort à chaque escale pour que vous puissiez jouer. Et puis là, il sort, mais juste, bloque en plein milieu. Donc il y a juste les touches qui dépassent, et vous jouez votre concert, j'imagine, j'ai pas la photo, mais à plat ventre. Oui, vautré sur le pont. Voilà. Voilà. Et puis les enfants. Plat ventre. Entre sur le pont avec une seule frayeur. Bah déjà, les enfants commençaient à me regarder bizarrement, mais moi, en plus, connaissant le système de treuil qui était en dessous, je savais que le piano n'était pas sécurisé. Et donc j'avais qu'une seule frayeur, c'est que le piano retombe d'un coup pendant mon concert. Et donc non seulement j'ai joué allongé, mais avec la peur que le piano se casse la gueule en fond de cabine, enfin. Et les gamins ont dû rentrer chez leurs parents en disant bah, les jobards complets, la pianiste. Alors vous avez confronté votre rêve de gosse à la réalité. Est-ce que ça l'a abîmé ? Non. Non, au contraire, puisque je pense que le rêve de gosse n'était qu'une image. Et là, les images sont plus que multiples et beaucoup plus riches que la théorie, en fait. Parce qu'au début, je suis remonté aux premières interviews en 2014-2015. Vous voyez déjà au Kerguelen en 2024. Vous voyez au bout de 2 ans traverser l'Atlantique. C'était l'histoire d'aller d'île en île. Pour le moment, vous avez fait la Méditerranée, la Bretagne. Et puis cet été, l'Irlande. Hein, on s'éloigne quand même. Finalement, vous y allez piano. On va y aller piano. Oui, on s'est très vite rendu compte. Moi, je suis retombée sur mes premiers itinéraires. Dans 3 ans, on a fait l'Irlande, l'Écosse, la Norvège, le Canada. Dans 5 ans, on sera au Kerguelen. Non, en fait, on va prendre le temps. On va faire escale par escale, prendre le temps de rencontrer les gens, d'avancer doucement. Et ce que je dis maintenant, c'est qu'on va faire le tour du monde, ça c'est sûr, mais on le fera le plus lentement possible. Vous allez prendre le temps de le faire. Dans votre journal de bord, à un moment, vous dites, alors c'est fugace, hein, vous passez un bref passage à Paris, vous voyez des maisons, tout ce qu'il y a de plus tranquille, et vous dites, j'éprouve comme une nostalgie de cette vie que je n'aurai jamais. Finalement, faire ce rêve de le réaliser, ça vous a quand même fait renoncer à cette vie que nous avons tous, nous, simples mortels, de sédentaires. Est-ce que parfois, vous vous dites, je passe quand même à côté de quelque chose? Alors, je me l'étais dit à ce moment-là, parce qu'effectivement, le fait de décider d'être nomade sciemment, de décider de partir, c'était aussi, je pense, quelque chose, une petite peur en moi de me dire comment je vais faire si un jour je veux créer une famille, avoir un amoureux, si je tombe amoureuse de quelqu'un qui est terrien, qui est à terre, etc. Bon, coup de bol, avec la première tournée de Piano Océan, un marin s'est amarré à côté de nous au port du Frioul, c'était Sébastien, c'est mon amoureux et c'est devenu le père de notre enfant et on vit à bord et on est tous embarqués dans cette histoire. Donc finalement non, pas de regret, mais j'avais eu peur, oui, au début de cette histoire, d'avoir à renoncer à une vie, mais finalement... Ça veut dire qu'il y a, pour cette tournée d'été en Irlande, un petit garçon qui s'appelle Aran, qui a 10 mois et qui va apprendre à marcher sur le pont de Lady Flo. Anne-Lise Le Pellec, quant à vous, alors ce rêve que vous avez accompagné et que vous allez continuer à accompagner, c'était pas le vôtre. Vous avez aidé votre ami à le réaliser, c'est devenu aussi peut-être un peu le vôtre. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres rêves plus personnels que vous avez envie de réaliser ? Oui, j'ai la chance de faire beaucoup de choses qui me plaisent tous. Et du coup, je suis donc photographe autrement que pour Piano Océan. Et je travaille sur un projet qui va me prendre quelques années. Aujourd'hui, je révèle mes photos sur des feuilles d'arbres. Et j'ai travaillé avec un collège grâce à l'association dans laquelle je travaille, qui s'appelle Les Culottés du Genre Humain. Et voilà. On peut voir ça quelque part, sur Internet ? Tout à fait, on peut voir ça sur mon site. AnneliseLePellec.com. Eh bien, on ira voir avec beaucoup d'intérêt. Le tout, finalement, c'est de se trouver. Alors, on se quitte, évidemment, en chanson. Comment on pourrait faire autrement ? La dernière chanson, Find Me, Trouve-moi. Marik Huysmans Berthou au piano. Je suis quelque part entre la vie et la mort. Je ne vais nulle part. Je suis quelque part entre la poésie et la panique, quelque part entre l'eau et l'air. Je suis quelque part entre le blanc et le très bleu. Je suis quelque part calme, quelque part silencieux. Je suis quelque part entre la peur et l'espoir, quelque part entre la terre et la mer. Enfin, je suis quelque part. Trouve-moi là où je ne suis. Somewhere to life and death, I'm going nowhere. I'm somewhere between poetry and panic, between water and air. Find me, find me, find me, I'm not there. Find me, find me, find me in the heather. somehow smiling. Find me, find me, find me, I'm not there. Find me, find me, find me in the heather. Find me, find me, find me. Find Me, extrait de l'album Plut-il de Piano Océan. Merci et bravo, Marieke Huysmans-Berthou. Je rappelle le titre de votre livre Piano Océan chez Glénat, coécrit avec Anne-Lise Le Pellec. Merci à toutes les deux d'être passées par notre bivouac et on vous souhaite bien sûr bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Demain, l'album de souvenirs du temps d'un bivouac nous conduira sur deux routes mythiques. Nous irons d'abord en Italie sur la Via Appia, puis nous mettrons le cap sur les États-Unis et sa célèbre route 66. À demain donc pour de nouvelles aventures.